Chapitre 14. À l'Odéon. N'oubliez pas votre éventail, maman, dit Lionel. Il avait déployé la grande queue de plume et regardait sa mère à travers les branches d'écailles, comme Hamlet, prince de Danemark, a coutume de lorgner sa mère indigne et son infâme beau-père sur toutes les scènes du monde. La limousine les emportait tous quatre, à présent, vers le lointain théâtre de la rive gauche. Le procureur Haller, dit Jean Mareuil, puis Lucas que le jour du dîner d'observation, « Il y a bien 5 ou 6 ans que j'ai vu jouer ça pour la première fois chez Antoine. »« Ah !» s'exclama Madame de Praz, « vous connaissez la pièce. Pourquoi ne pas l'avoir dit l'autre soir ?»« On peut revoir ce drame, » continua Jean Mareuil en éludant la question. J'en ai conservé le souvenir d'une œuvre assez remarquable par sa sobriété, son réalisme froid, pour ainsi dire scientifique. Mais, bien entendu, elle présente le dédoublement de la personnalité sous l'aspect que les psychiatres lui prêtaient à cette époque. Aujourd'hui, si je ne me trompe, on tend, dans les milieux médicaux, à n'y voir qu'une de ces supercheries dont les névrosés sont si coutumiers. La thèse qui prévaut de nos jours fait rentrer la conscience alternée dans la simulation et la dépouille de ce caractère terrible, écrasant, que nous montre le procureur Haller. Telle qu'elle apparaît dans la pièce adaptée de Lindau, la conscience alternée serait peut-être la plus abominable calamité qui puisse s'abattre sur un être humain. Et je me rappelle l'impression violente que le drame m'a causée jadis. J'étais fort jeune. Pendant plusieurs jours, je n'ai pu me débarrasser de la hantise qu'il m'avait infusée. Le souvenir de cette hantise m'est d'ailleurs pénible. Il est assez étrange que je doive, pour en parler, me faire violence. J'en ai presque honte et je ne l'avais jamais confessé. Lionel et sa mère se regardaient à la dérobée. En résumé, conclut Madame de Praz, vous ne croyez pas qu'une personnalité puisse se dédoubler ? Comme on l'entend vulgairement, ou plutôt, comme les neurologues l'entendaient hier encore, non. C'était d'une attitude trop catégorique que la leur, il ne faisait pas la part de cette simulation que l'on trouve au fond de tant de psychoses quand on se donne la peine de les observer sévèrement. Ainsi, vous niez qu'un homme puisse vivre en partie double, par exemple, une vie de jour et une autre vie la nuit, comme le procureur Hallès. Ce procureur qui n'a jamais vécu qu'entre les portants d'une scène, compléta Mareuil. « D'accord, fit Lionel, mais le banquier Williams a existé réellement. Il a mené, à la suite, 2 vies très différentes. Amnésie et rien d'autre, ne pas confondre. Mais tous les sujets, cités par Taine, Ribot, etc. Vieux errements, observations défectueuses, menées sans défiance. Cependant, moi je connais un cas, mon cher ami. » Un cas extraordinairement analogue à celui du procureur Hallès, au point qu'on pourrait croire que c'est la pièce qui a suggéré au sujet l'envie inconsciente de se dédoubler. Cela ne me surprendrait pas, dit Jean Mareuil. À l'effet qu'elle a produit autrefois sur ma sensibilité, je conçois très bien qu'elle ait suscité des demi-démences. Mais les théories actuelles ne sont pas infirmées pour cela. La personne à laquelle je fais allusion, reprit Lionel, se conduit exactement comme le procureur Hallès, ce qui ne l'empêche pas de professer vos théories, étant cependant le vivant exemple de leur fausseté. Jean Mareuil se mit à rire. Vous riez comme un homme qui n'est pas trop sûr d'avoir raison, dit Lionel. Je regrette de ne pouvoir vous livrer le nom de mon sujet. Qu'importe. Je vous avoue que ces questions ont cessé de m'attirer depuis longtemps. » Mais la physionomie de Jean Mareuil démentait ses propos et l'angoisse d'une recherche vaine contractait les muscles de sa face. Il faut reconnaître pourtant que les 4 actes du drame se déroulèrent sous ses yeux sans qu'il manifestât d'autres sentiments que l'intérêt le plus légitime. Madame de Praz était sur le devant de la loge, à côté de Gilberte. Mais Lionel épiait son voisin, ses expressions, ses gestes. Il remarqua seulement que Jean Mareuil redoublait d'attention toutes les fois que Gémier, qui jouait le rôle d'Alers, rendait la souffrance du procureur à saillie de craintes ténébreuses et avertit par d'inexplicables et presque insensibles révélations qu'un mystère impalpable l'entoure. L'épreuve ne donnait donc presque rien de concluant. En revanche, Madame de Praz et son fils, dont on connaît les desseins, eurent la satisfaction de voir Gilberte véritablement bouleversée par l'affreux avatar du magistrat bandit. C'était pour elle une initiation à ces sortes de tristes et monstrueux phénomènes. Sa nature impressionnable s'en révoltait. « C'est une horreur !» disait-elle, « une horreur !» Et ces mots étaient doux aux oreilles de sa tante et de son cousin. « Jean Mareuil, pensait Lionel, tu es fichu, mon garçon !» Le comte de Praz, voyant bien que la soirée s'achèverait sans autre résultat, sortit d'ailleurs au dernier entr'acte avec l'intention de ne réintégrer la loge qu'aux répliques finales, lorsque Alers, guéri par un procédé plus théâtral que clinique, se sépare à jamais de sa seconde personnalité. Lionel s'en fut ainsi à deux pas de l'Odéon, au numéro 47 de la rue de Tournon, pour transmettre à Aubry les instructions machiavéliques de Madame de Praz. L'astucieux concierge lui fit part d'abord de ses déconvenues touchant la belle Java. Il s'était rendu, l'après-midi, à l'hôtel meublé où elle habitait. Pour la circonstance, Aubry s'était adjoint un agent de la police secrète qu'il connaissait et qui avait bien voulu lui prêter le concours de son prestige et de sa carte d'inspecteur. Java causait avec la patronne du meublé. Aubry avait essayé de lier conversation. Mais la fille s'était montrée rétive. Insister eût été maladroit. La charmeuse de Serpent, comme on l'appelait dans le quartier en lui donnant un titre auquel rien ne l'autorisait à prétendre sérieusement, la charmeuse de Serpent était sortie presque aussitôt avec son caniche et son sac de voyage en cuir fauve. La patronne de l'hôtel avait été plus prolixe au vu de la carte du policier. Mais il y avait peu de temps que Freddy et Java logeaient chez elle, et d'eux, elle ignorait tout. « Vous savez, avait-elle dit, ces gens-là, ça ne reste jamais longtemps dans la même maison. C'est changeant. Un mois, deux mois, et puis ils s'en vont. Et puis ils reviennent. Ces deux-là se tiennent comme il faut. Ils paient régulièrement. Ça travaille. Du moins, ça en a l'air. La femme montre ses serpents, l'homme, on ne le voit jamais dans la journée. » Là-dessus, elle avait fait voir son registre aux deux enquêteurs. Aubry avait pris des notes. Il tira de sa poche un carnet et lut le nom sous lequel Jean Mareuil s'était fait inscrire chez la logeuse. Bescard, Albert, Léon, journalier, né à... Passez, dit Lionel, un faux nom n'a pas d'intérêt. Java, elle, est inscrite comme suit, monsieur le comte. Arégui, Marie-Louise, Ernestine, Adrienne. Sans intérêt, sans intérêt. Mon ami de la secrète m'a proposé de faire prendre des renseignements par le service des meublés. Je lui ai dit qu'on lui rendrait réponse. Lionel, ayant réfléchi, décida. Recommandez-lui, au contraire, de laisser Freddy et Java absolument tranquilles, que rien ne vienne leur donner le moindre soupçon d'une surveillance quelconque. Cela contrarierait un projet que je vais vous exposer. Nous désirons que Freddy commette un vol, un cambriolage, et cela dans de telles conditions, que Mademoiselle Gilberte n'en puisse pas douter. Vous comprenez, Aubry ? « Parfaitement, monsieur le comte, » dit le concierge, dont le masque bestial s'illuminait de plaisir. « Et, reprit Lionel, c'est sur vous que nous comptons pour amener notre homme au point voulu. Faites connaissance avec lui. »« Compris, » fit l'autre dont les yeux brillaient. « Je vais vous manier sa conscience, je ne vous dis que ça. » Cette formule, « manier sa conscience », étonna Lionel de Praz. Il regarda mieux Aubry et ne put se retenir d'admirer une laideur où, à cette minute, la méchanceté transpirait comme une sueur de volupté. Aubry, de plus, se préparait à gagner le bar de la coterie pour y faire son métier d'espion. Il avait revêtu un costume ad hoc qu'il assimilait au monde de Freddy la couleuvre. Et vraiment, on n'aurait pas aimé se heurter, au clair de lune, sur un trottoir désert, à cette figure patibulaire et matoise qu'une jouissance hideuse dégradait encore. « Aubry, vous êtes superbe !» ricana Lionel. Le rire du concierge éclata d'une manière si triviale que le comte de Prades en fut choqué comme d'une espèce d'incivilité. Il reprit avec quelque hauteur « Inutile, n'est-ce pas, que je continue à monter la garde devant l'hôtel de M. Jean Mareuil ?»« Complètement inutile, monsieur le comte. M. Mareuil se rend chaque nuit soit au bar de la Coterie, soit à l'hôtel meublé. Là, je suis bon. Monsieur le comte peut se rendre libre. » Bien, mais ce n'est pas tout, Aubry. Le bon génie, vous savez. L'inconnu qui s'est chargé de maintenir Jean-Marie Freddy dans le sentier de la vertu. Oui, monsieur le comte. Eh bien, il faut savoir qui c'est, car vous pressentez que cet œil vous regardera lorsque vous vous approcherez du surnommé Freddy. Vous pensez bien que vos manœuvres seront épiées et sans doute traversées. Prenez garde qu'on les déjoue. Et d'abord, sachons qui peut les déjouer. Entendu, monsieur le comte. Adieu donc, Aubry, et bonne chance. Ne vous pressez pas d'aller au bar. Votre Freddy est en ce moment à l'Odéon, dans la loge de ma mère. Il assiste au dernier acte du procureur Allers. Il faudra bien que j'aille voir ça, moi aussi, un dimanche en matinée, dit Aubry. Il paraît que c'est tordant. Une fois dehors, Lionel de Prades respira l'air de la nuit avec un soulagement qu'il n'eut pas l'idée d'analyser, insouciance fort avantageuse à celui qu'il venait de quitter. Cinq minutes plus tard, il gravissait l'escalier de pierre qui, du vestibule de l'Odéon, accède à l'étage des premières loges. La lumière et le silence régnaient contradictoirement dans tous les dégagements du théâtre et composaient cette atmosphère recueillie et si étrange qui occupe les couloirs, les galeries et les foyers, pendant que, noyé d'ombre, un public, qui est une foule, écoute dans la salle les acteurs réciter. Lionel, qui n'était pas sot, goûta le charme de cette représentation muette et éblouissante, dont l'agrément clandestin est souvent supérieur à celui de l'autre représentation, celle qui est donnée sur le plateau, celle pourquoi l'on est venu et l'on a payé à la caisse, et qui est signée de noms plus orgueilleux que silence et lumière. On entendait, en approchant de la courbe de l'hémicycle, la voix des comédiens. Lionel se fit ouvrir la petite porte de la loge et retrouva dans la demi-ténèbre les trois êtres qui vivaient avec lui un drame aussi poignant que celui qui s'achevait au feu de la rampe et à la faveur d'une ingénieuse fiction. Le rideau tomba peu après. Dans les remous du départ, Gilberte exhala son jugement avec véhémence. « Quel cauchemar ! J'en suis malade, vous savez » dit-elle à Jean Mareuil. « Non ?» Mais c'est affreux, des aventures pareilles! Ne vous frappez pas, c'est le droit des romanciers et des auteurs dramatiques de forcer la nature des faits, de les accentuer, ces faits, en les simplifiant, de les isoler parmi l'infinité d'événements dont la vie est composée. C'est aussi leur droit de grouper en une seule intrigue toutes sortes de péripéties qui, dans la réalité, appartiendraient à plusieurs histoires différentes. Ils inventent, de plus, ils interprètent encore. Enfin, je vous affirme que le dédoublement de la personnalité ne se présente jamais sous cette forme absolue et que... Allons, Mareuil, allons, dit Lionel, tandis qu'il descendait l'escalier. Vous êtes incrédule et voilà tout. Tout à fait comme Allers, Mareuil, tout à fait comme Allers. Soyez sincère. Quel est celui qui pourrait nier avoir ressenti des espèces de souvenirs fumeux, dont la présence en lui le comble de surprise et d'incompréhension? Eh bien, de là prétendre que... Oui, confessa Jean Mareuil pensif, cela est assez vrai. Il y a ce que vous venez de dire, mais enfin, mon Dieu, tout le monde éprouve de semblables petites choses et tout le monde n'est pas double ou triple. Tout le monde n'a pas deux ou trois mémoires. Taisez-vous, implora Gilberte, je crois entendre encore le procureur à l'ERS. Et vous savez, ce n'est pas drôle, surtout quand c'est vous qui parlez. Lionel serrait sur sa cigarette des lèvres que provoquait un rictus sarcastique, et jamais le visage de Madame de Prades n'avait été aussi insaisissable.